Oh, mes amis. Comme vous le savez, je vais vous quitter dans 4 jours. Je pars m'isoler afin de mieux me concentrer. Je pars dans un endroit où le calme, la réflexion, la nature et le climat vont m'aider à retrouver mes racines créatrices. Ça, plus l'alcool à profusion, des filles idiotes et faciles, plus une bande d'amis dégénérés, voire psychopathes. Bref, le cocktail idéal pour me remettre en forme. Car, mes petits camarades, on ne le dit pas assez! Surtout vous, Christophe. Mmh. Mais le 30 décembre, à 20h, à 21h, je suis de retour sur scène au réservoir pour le plus grand plaisir des Parisiens qui aiment le vrai humour. L'humour fin et délicat avec un zeste de schnapps, bien sûr. Mais surtout, beaucoup d'amour et d'envie de partager. Tout ça pour vous dire que je n'ai pas une minute à perdre. Que d'un seul coup, qu'est-ce qui vient me déranger? Valérie. Punaise. Oui, Valérie. Ah, qu'est-ce que tu veux, vieux crapaud sénile? Ah, pour commencer, que les choses soient claires. Arrêtez de me traiter de batrachien. C'est vrai qu'il y a une certaine ressemblance entre moi et la reinette, mais je vous rappelle que maintenant je suis membre de l'Académie française. Un peu de respect, s'il vous plaît, vous parlez à un immortel. Bon, d'accord, pardon. Il veut quoi, Highlander? Eh ben, je me demandais si vous avez fait votre lettre pour le Père Noël. Et sinon, si vous accepteriez d'en faire une avec moi. Fous de ma gueule, c'est un truc pour les gamins, ça. Mais c'est pour les petits cons qui savent même pas que c'est leur abruti de père, ou bien un voisin, ou encore un pédophile de service qui s'habille en rouge et qui pose 3 pauvres clémentines sans goût, un nounours en acrylique au pied du sapin, un sapin qui, de surcroît, est en plastique. Helmut, vous dites qu'un vieil allemand égoïste. Je suis, en plus, ce qu'on appelle, je suis plus un poulet de printemps. Si ça se trouve, c'est mon dernier Noël, Helmut. Alors, soyez chic, faites ça pour moi. Ah, oh, tu peux pas la faire tout seul, ta lettre? Pour être franc avec vous, je me sentirais moins con si vous vouliez bien partager cette humiliation avec moi. Bon, mais si ça te fait plaisir, on va la faire, cette bafouille au vieux rouge. Bon. Voilà, c'est rudement chic de votre part, Helmut. Allez, on se la fait. Ça roule! 2 heures, ça nous a pris pour faire cette lettre de merde. Chaque fois qu'on voulait mettre quelque chose d'un peu perso dans la lettre, égueulait comme un vieux fedec. Oh, finalement, on s'est mis d'accord. Bon, je relis et on envoie, ça marche? Allez-y, relisez. Alors, salut, le vieux en rouge. Écoutez, Helmut, je suis vraiment pas d'accord avec votre accroche, totalement irrespectueux. Mais on s'en fout puisqu'il n'existe pas. Oui, mais enfin quand même. Ah, laisse-moi finir, Valérie. Alors, je m'appelle... Pardon, je m'appelle Helmut. J'ai été bien sage, hein. Sauf avec les vieux, les femmes et les enfants. Alors, je voudrais pour mon Noël, un abonnement d'un an à XXL, version super crade, une cravache, des Santiac neuves, et pour finir, un arbre à schnapps. Voilà, merci. Écoutez, à part les Santiac que je trouve vulgaire, ça me semble très bien comme liste. Voilà, moi, je relis mon message. Cher Père Noël, je m'appelle Valérie, je vais très sage cette année. Alors, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir une grosse boîte de pastilles Vichy? Ah, le con! On peut demander ce qu'on veut, père machin, mes couilles, et là, lui demande une boîte de pastilles. Quel abruti! Oh, c'est tout ce que t'as demandé! T'es vraiment une bouse, Valérie! Ben non, c'est pas tout. J'avais demandé autre chose, mais apparemment, c'est du domaine de l'impossible. Vous venez de me le prouver. Ah, c'était quoi ton truc cette fois? Encore un truc super original? Une paire de pantoufles en fausse fourrure, peut-être? Ou bien des cotons-tiges en... En coton? Ah, mais quel connard! Non, mais je vous rends pas compte. Mais maintenant, je crois que vous avez raison. C'était vraiment un truc de dingue, ce que je voulais. Je voulais que vous deviez mon ami, Helmut. Je voulais que vous soyez mon vrai ami, que vous soyez gentil avec moi. Et vous avez raison, ça ne sert à rien, cette lettre. Ah, oh, Valérie, tu me fous un peu les glandes, là. Je te signale que je suis déjà ton ami. Mais non, vous vous moquez de moi tout le temps. Une fois, vous avez même essayé de me tuer. Oh, mais c'était pour rigoler. Allez, viens, on va se les acheter les pastilles Vichy. À la morte? Non, à la pisse. Ah bon, ça existe? Mais non, je plaisante. Oh, allez, Highlander, viens avec moi, mets ton manteau. Alors comme ça, vous êtes mon ami. Alors, et puis on a été acheter les Vichy du vieux. Et le soir, quand il s'est endormi, terrassé par la fatigue, vers 15h, j'ai été posté en douce ma lettre au Père Noël. On sait jamais. Imaginez ça, Christophe et Didier, un arbre à schnapps, ce serait quand même bien.